Deathmoth. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Montmirail. Aujourd'hui, donc, vous êtes bien sur Table dans le Sample. Émission plus que sympathique, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'antre du Kinjo Crew. Merci de nous recevoir, en tout cas. Avec plaisir. Ben voilà. Cool. Du coup, aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre. Bonjour Pierre, comment Salut, vas-tu? Salut les gars, ça va très bien. Ouais, t'es en forme? Ouais, ça va. Cette période de rattrapage, d'examen étant passée, nous sommes en plein dans l'euro. Donc une période plus que compliquée, n'est-ce pas? Il y a eu plein d'événements. Comment se sont passés tes rattrapages? Non, comment est passée ta soutenance? C'est ça bien, j'ai réussi à avoir une mention. Ça y est, le master est passé. Ouais, ça va. Tu es tranquille? Très bien. Bon, j'espère que vous en sortirez en tout cas pour vos rattrapages, puisqu'on est en plein dedans. Courage et force à ceux qui sont encore dans ces terribles examens. Donc aujourd'hui, notre invité, enfin, ou plutôt nous sommes vos invités, puisqu'aujourd'hui on se retrouve chez Kinjo. Chez Kinjo Crew, dans l'antre. Dans votre studio, dans votre QG, quoi. Dans le QG, ouais, c'est ça. Donc merci de nous recevoir. Vous êtes, entre guillemets, les derniers nés sur la petite planète de la musique électronique toulousaine. Toulousaine, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus que Kinjo, ouais, qu'est-ce que sûr. C'est Donc Kinjo, à la base, c'est vraiment, on est entre potes, c'est à l'origine avec Jordan et Cyriel, qui sont pas là. Et en fait, on a voulu, on organisait des soirées, différentes soirées, on invitait plein de potes, etc. Du coup, on a voulu concrétiser la chose en créant un petit collectif toulousain pour promouvoir la culture musicale électronique à Toulouse, quoi. D'accord. Donc en plus, c'est vrai que à Toulouse, niveau collectif, c'est assez, il y a énormément de collectifs, quoi. Donc vous êtes les derniers nés. Ça fait pas un peu bizarre de se retrouver face à plein d'autres groupes un peu comme ça? Non, pas du tout, parce qu'on les côtoie quand même. On en connaît pas mal, les collectifs. On a des potes de la Belle Sphère, d'Informal, Paramour, etc. Du coup, on connaît à peu près ce monde-là. Enfin, c'est quand même assez familial à ouais, Toulouse. Donc c'est vrai. On s'y retrouve vite, quoi. Donc non, ça fait pas bizarre du tout. Le plus bizarre, c'est de lancer la chose et que ça fonctionne plus ou moins bien. Mais là ça stagne un petit peu, parce qu'on fait pas trop de soirées en ce moment, mais on va pas tarder à en refaire, j'espère. Alors, il y a quand même une petite anecdote quand même derrière ce que c'est Kinjo, quoi. Concrètement, Kinjo, si je me souviens bien, en japonais, ça veut dire voisinage. Voisinage, ouais, c'est ça. Ça vient d'où, en fait? Donc ça vient de... parce que Cyriel est mon voisin, et on s'est rencontrés dans la rue, en fait. Et je lui ai dit de passer un jour pour faire une soirée. Du coup, il est passé, on s'en a bien sympathisé. Du coup, ça vient de là, en fait. C'est vraiment des soirées de voisinage. De voisinage, ouais. De voisinage, ouais. C'est comme ça que tout a commencé, quoi. C'est comme ça, ouais. C'est cool. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, en dehors de la musique, c'est pas seulement un projet qui s'inscrit dans la musique, c'est où il y a aussi une grosse partie audiovisuelle quand même. Une grosse partie audiovisuelle avec Jordan, qui est graphiste, c'est son métier. Du coup, lui fait toute la communication visuelle, artistique. Il y a Cyriel qui fait de la vidéo, c'est un vidéaste. Confirmé. Confirmé. Donc, c'est cool parce que comme ça rejoint vraiment, on a tout le monde de la culture en général, quoi. On a les dessins, la vidéo, les photos, la musique. Il y a Swan aussi qui compose. Et il n'y a pas que de la house et de la techno aussi. Ouais. C'est ça que c'est cool. On a aussi un peu de hip-hop avec Alex, du coup, qui est ici aussi. Donc c'est cool. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, bah ouais. Mais c'est chambé, du coup. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, pour ouais, ceux qui veulent. Ouais, on a une page Facebook qui s'appelle Kinjo, K-I-N-J-O. Et. Voilà, on poste des vidéos sur YouTube aussi, sur SoundCloud. Il y a des sons, des sets. Ouais, parce que en dehors du set et de l'événementiel, vous êtes quand même, enfin, vous produisez. Cyriel produit, ouais. Ben Cyriel et Swan aussi qui produit, mais pas de la musique électronique house. C'est vraiment un style à lui. C'est totalement différent. Faudra que vous écoutiez sur SoundCloud. Écoutez, on ne. Wave. on ne peut que vous encourager à aller voir ce que fait le Kinjo Crew. Vous nous avez parlé de soirée actuellement, donc quelles sont vos grosses actualités en ce moment là? Donc en fait, on devait organiser une soirée dans un jardin privé d'Alex, d'ailleurs, faire une grosse soirée là-bas, et sauf que ça a été annulé au dernier moment parce qu'il a fait un orage. Donc, putain de flotte de merde. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'on se retrouve avec un temps de mois d'octobre quand même en juin. C'est... Donc on espère la reporter. Et ensuite, le Kenjo Crew là, va mixer du coup au Festival Bel Air. Ça, c'est tout nouveau aussi. Donc on en parlera dans 2 minutes. Ouais, Alex, je te propose que tout à l'heure, on en parle un petit peu ensemble. Ouais. Bel Air, en fait, c'est un festival collaboratif qu'on va organiser avec plein de collectifs toulousains de musique. Et donc on y mixe et on organise aussi ce festival, quoi. J'ai une question par rapport à vos côtés racines japonaises. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, on est tous quand même assez passionnés de l'Asie, ouais. Elle aussi, ils kiffent ça, l'univers japonais, la musique, vraiment. Donc on aime bien ça. Ouais. D'ailleurs, on va y partir, j'espère. Vous allez faire des soirées Kinjo là-bas aussi? Ouais. Pourquoi pas ramener le concept à Tokyo? Voilà, pourquoi pas. Bon, le concept, c'est pas un concept, mais c'est. C'est un crew, quoi. C'est un crew, ouais. D'accord. C'est ça. Un groupe de potes passionnés de musique, de vidéos, donc. Voilà. Et alors, vous avez pour s'amuser, quoi. Enfin, ouais. Pour nous. Hein. C'est ça. Vous avez bossé sur en dehors de ça, je sais que Cyril, par exemple, a bossé sur des projets visuels, on va dire, pour des. Oh putain, je vais y arriver. À Pienin, par exemple. À Pienin, ouais. Ouais. Donc, moi, je suis pas apte à en parler, donc je vais. Je pense qu'on peut laisser Cyril en parler, quoi. Voilà. Cyril. Hey. Mais Cyril, alors, toi, en plus, t'es pas un novice en matière de passage radio. Puisque Sidexta, hein, à la base, qu'on a déjà reçu quelques fois déjà à la base. Donc tu es producteur vidéaste, confirmé. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, parce que c'est entre guillemets ton nouveau projet à Pienin. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors moi, je suis plutôt technicien à Pienin. Parce que ça vient d'une idée d'un réalisateur qui s'appelle Lionel Ventadour. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mêler à la fois actualité et street art. Voilà. D'accord. Donc, clairement, vous êtes des touches à tout, quoi. Voilà. Après, dessus, là, j'ai fait une musique un peu hip-hop qu'on aura peut-être dans le set tout à l'heure. L'actualité, c'est-à-dire vous êtes engagé, vous avez des opinions. Ouais, il est assez engagé, le réalisateur. Voilà. Est-ce que tu peux dire dans quelle orientation ça s'engage? Ou est-ce que c'est tabou? Vers la liberté d'expression. Ouais. Voilà, tout ce qui est progressisme, art, liberté de créer, voilà. Okay. Parce que c'est vrai que c'est vachement quand même axé sur le graphe. Mmh. Ouais, mais en fait, justement, chacun des épisodes, c'est une fresque différente et un sujet différent. D'accord. Voilà, donc le premier, c'est clairement sur Charlie Hebdo. Voilà. Le deuxième, c'est sur les migrants. Le troisième, c'est sur les viols en Inde. Et le quatrième, c'est sur... il ne m'a pas dit encore, il veut garder la surprise. Mais d'accord. Donc en fait, c'est effectivement allier finalement le graphe à quelque chose d'engagé, de politique. Ouais. Essayer de comprendre et d'expliquer. Mmh, c'est ça. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Avec une voix off. Avec une voix off. Ça présente des effets un peu sonores, comme on n'a pas trop l'habitude d'en entendre, avec de la musique derrière. Plutôt orienté hip-hop, mais c'est pas non plus. On n'est pas fermé sur le hip-hop non plus. D'accord. Voilà. Là, vous le verrez sur l'épisode 2, ce sera un peu différent. Déjà, je vous dis de suivre sur Facebook Happy Enin. Voilà, donc Happy Enin, comment tu l'appelles? Happy, alors A-P-Y, tout simplement. Ouais. Et le sigle qu'il y a sur les ordinateurs. D'accord. Et Nin, N-I-N. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est en fait des vidéos autour de projets artistiques et orientés sur le graphe, on va dire, sur le tag. Voilà. Et donc voilà, bref, vous pouvez retrouver toute l'actualité là-bas. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure donc, du festival de Bel Air, donc j'aimerais qu'on en revienne. Je pense, Alex, moi, ce que je te propose, c'est de venir nous rejoindre sur le petit plateau. Venir me parler de ce projet. Voilà. Salut. Bonjour, Alex. Salut, les gars. Dis-nous, alors, toi, tu fais partie donc, du Kinjo Crew. De quoi tu t'occupes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois, on va dire. C'est déjà un point de départ. Voilà, quoi. En gros, j'ai rencontré Jordan, donc celui qui fait du graph, sur Toulouse. Ça fait un an que je suis sur Toulouse. Et le Kinjo s'est créé dans cette période. Et en fait, comme il dit, avec les soirées qui ont enchaîné et tout, on a bien sympathisé. Et ça donne envie de faire des projets au final. Et on est tombé sur ce projet Bel Air. Donc on a bien avancé et on espère que ça va être une réussite. C'est vraiment un truc innovant parce qu'on réunit deux mondes, le monde de la campagne et le monde de la ville en fait. D'accord. Et donc ça n'a rien à voir l'un avec l'autre au final. Et on espère faire venir les citadins dans nos campagnes et pouvoir montrer nos valeurs campagnards. Enfin au final... nos troupeaux, nos champs et nos choses comme ça, c'est des choses. Et voilà, et sortir la house, comme il dit, des clubs. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait fait, à ce qu'avait engagé Concrète à l'époque où il commençait. Pour Concrète, pour ceux qui n'arrivent pas trop à voir, c'est ceux qui organisent le Weather Festival, entre autres. Un de leurs objectifs, en fait, ça avait été de se dire... à Paris, il y a le monde de la musique est essentiellement centré sur les centres, les clubs. Et eux, leur objectif, ça a été de se dire, eh ben, pourquoi est-ce qu'on sortirait pas la musique dans les banlieues ? Je pense que ça s'inscrit un peu dans le même défi. C'est-à-dire qu'ici à Toulouse, essayer de montrer que quelque part, on peut aussi trouver des choses en dehors de la ville. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est faut pouvoir découvrir autre chose que nos clubs habituels et passer un week-end. Comme d'habitude, au final, là, c'est tu te bouges un peu, tu passes ton petit week-end sur le champ, tu découvres un nouveau village, et voilà, c'est un tout petit village, on est 120 habitants. Ouais, donc c'est vraiment ça, tout petit, ça se déroule sur deux jours. Ensuite, le dimanche matin, il y a un marché de producteurs, en fait. Ouais. Donc, qui vendent leurs produits, c'est de la vente directe, en fait. C'est pas industrialisé. Ouais. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est donc voilà, si au final, tout le monde s'y retrouve parce que eux, ça leur fait une vitrine et ils peuvent se faire connaître et pareil, vendre beaucoup plus et avoir un meilleur résultat, quoi. Et puis, ça fait découvrir les produits locaux pour les citadins. Putain, qui n'ont pas forcément l'habitude de manger de la bonne bouffe. C'est ça. Non, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de projets engagés, apparemment. Ouais, c'est bien. c'est bien, mais c'est, moi, c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire qu'en plus de se retrouver dans quelque chose d'artistique, on se retrouve aussi sur quelque chose d'engagé avec de vraies valeurs, quoi. Et je trouve que c'est extrêmement important de continuer dans cette voie-là. Et alors, du coup, comme tu l'avais rappelé, Fabien, donc du coup, tu vous retrouveras avec d'autres collectifs toulousains, donc entre autres. Il y aura... Donc en fait on aura un formal, on aura La Belle Sphère qui organise avec nous, avec Injo aussi, c'est quand même les principaux acteurs du festival, La Belle Sphère. Un formal, il y a Candy House aussi, il y a Par Amour, et je crois, j'en ai pas oublié là, je sais pas, il y a qui d'autre ? Il faut que je regarde, mais... En tout cas, ça fait déjà quand même pas mal de beau monde, quoi. Ouais, parce voilà. Il y a vraiment les principaux collectifs de Toulouse seront présents, et on est chaud, quoi, dans le staff. Putain, c'est chambé. Voilà. Bon, mais c'est grave cool. Donc, au programme, donc, comme l'on dit, il y avait un marché de producteurs, mais il y a aussi, voilà, donc, il y a aussi quand même essentiellement pas mal de musique. Ouais, il y a de la musique. Avec ces collectifs, on va s'y retrouver. Il y aura la soirée du samedi soir, donc, qui durera toute la nuit presque, jusqu'à 5h du matin. Ouais. Et le matin, au petit matin, il y a les producteurs locaux, le marché qui vient s'installer. Toujours de la techno, de la house. Ouais, ça sera assez festif, assez mélodique. On a vraiment toutes sortes de musiques électroniques là. Ça sera de la house, de la techno, mélodique, vraiment pas mal de trucs. Ok. Et donc c'est du 23 au 24 juillet donc 2016. Et ça se passe où ? Donc ça va se passer dans le petit village de Saint-Arail, non loin de Toulouse, à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse, dans la pampa, quoi. Ouais. Donc c'est en plus c'est pas loin, quoi. Non, c'est pas très loin. Donc il va falloir que se bouger un peu les fesses. Et... Ouais. Et puis aller découvrir ce que c'est, quoi. Aller découvrir ce nouveau lieu, et j'espère que ça se réitérera l'année d'après. Mais déjà cette année, c'est le premier. Première édition. Bon, on espère que ça se passera bien. Le temps sera avec nous, j'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Mais voilà. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc sur les réseaux sociaux donc, aussi, je pareil, suppose. Pareil, Bel Air, c'est on peut nous trouver sur les réseaux sociaux. On a une page et on a l'événement Facebook aussi sur internet, quoi. Et la billetterie va être Bel Air, donc B-E-L-R comme R, voilà. Vous allez nous trouver, c'est vraiment, si vous chinez un peu les événements de musique à Toulouse, vous allez le trouver directement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Bon, ben en tout cas, nous, on espère vous retrouver là-bas. On essaiera de sans doute d'y faire un tour. Peut-être qu'on pourra même implanter le studio là-bas si on se démerde pas trop mal. Nous, on vous repartagera d'ailleurs sur la page Facebook de la radio, donc sur Radio Montmirail. On vous enverra les liens. Il y aura tout ça en lien sur l'émission et puis sur le site internet aussi. On affiche un peu tout ça. Je vais rajouter un petit truc. Il y a la billetterie en ligne qui va sortir en juillet, donc début juillet. Vous avez des petites idées de tarifs ? 5€ l'entrée, ouais. Putain, en plus, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est pas cher. Et voilà. Donc, parce que c'est limité à 500 places, en fait. D'accord, c'est, donc, okay, 500 places. Donc, faites vite, quoi. Faudra réserver et acheter sa place sur Internet. Putain, grave cool. Ben, en tout cas, Pierre, peut-être éventuellement quelque chose à rajouter. Non, mais moi, je suis un épreneur ici. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai rien à rajouter. Tout est expliqué. Vas-y, Max. Ben, écoutez, moi, juste avant de passer à votre set. Ouais. Parce que on est quand même là aussi un peu pour la musique. Mm-hmm. Petit point sur l'actualité musicale à Toulouse. Sortie de la compile Boussole Records, effectivement, qui vient de sortir. Donc, on y retrouvera tous les membres du crew. La numéro 3, je crois. La numéro 3, effectivement. Donc, comme chaque été où ils sortent leur compile, on pourra retrouver donc, la compile sous format CD gratuite, normalement chez Gilbert Joseph, du côté de la rue du Thor, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une compile encore avec principalement donc, les gens de Boussole Records, mais ils ont aussi invité du monde. Oui, j'ai écouté. C'est vraiment très très sympa. En plus, il y a quelques tracks qui ont attiré mon attention. Je ne les ai plus en tête malheureusement, mais je ne peux que vous conseiller d'aller regarder ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe encore sur la planète? Mais si, on a tendance à l'oublier, mais les siestes électroniques. Oui, on va en parler. Hein. Et la fête de la musique. Et la fête de la musique. Donc il y a énormément de choses qui se trament. Pour ce qui est des siestes électroniques, les noms ont été annoncés rapidement, la tête d'affiche. Les autres, je pense que vous aurez du mal à les connaître parce qu'il faut quand même signaler que les siestes électroniques, ça reste des défricheurs. Donc, on n'a pas forcément des gens... Oui, c'est le mot que j'ai placé, j'ai réussi. En tête d'affiche, on retrouvera donc Levon Vincent, donc rien que lui. Après tout le reste, honnêtement, c'est pareil, je ne sais plus en tête quel piètre journaliste que je suis. Mais vous pourrez trouver toutes les informations relatives aux siestes électroniques sur Facebook avec les siestes électroniques. Donc c'est tôt, c'est du 23 au 26 juin, donc toujours au jardin de Compense Caffarelli. Voilà. Pour ce qui est de la fête de la musique, est-ce que le Kinjoku organise quelque chose? Alors le Kinjoku ne va pas organiser quelque chose et a envie de profiter de la fête de la musique pleinement. Donc on va. Vous avez bien raison. Parce que des fois, c'est vrai que le meilleur moyen pour profiter en général, c'est d'être spectateur tout simplement. Parce que quand tu sais ce que c'est qu'une organisation de la fête de la musique à Toulouse, c'est un petit peu le bordel. Je comprends qu'on ait un peu envie de souffler. Donc avez vos accréditations pour le capital ou pas? Putain, l'enfer quoi. L'enfer, non, mais surtout pas quoi. Kenji, Christophe Maé, Garou, ça va être le feu. Quoi. Que du lourd quoi. Putain. Que du lourd. Kenji Crew. Kenji Crew. Ouais. Horrible quoi. Eh ben en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Merci de nous avoir parlé de ce que vous faites. On espère donc vous retrouver bientôt. Mm-hmm. Ce que je vous propose, les enfants, c'est de basculer sur vos platines. On se retrouve pour une heure de set. Ouais, une petite heure. Ouais, carrément. Une petite heure ou. Un petit peu moins, on verra. Un petit peu moins, on verra bien quoi. Ouais. Et ben en tout cas, je vous remercie de vous avoir suivi et puis on se retrouvera juste après votre set en tout cas. Donc voilà, on va faire un back-to-back avec Sidexta et Fabien. Fabien. Au top. Thank you. We'll be right back. I'm just there. I got a test of fire. Come up in the spot, get extra fat. For the day I die, I'm just there. I got a test of fire. Come up in the spot, get extra fat. For the day I die. complications, you know. We'll be right back. Eh bien, je voulais vous remercier de nous avoir suivis tout le long de cette émission. Je remercie le Kinjo Crew qu'on peut applaudir très fort. Bravo. Donc merci à vous de nous recevoir encore une fois. On espère vous retrouver au Festival de Bel Air le 23 et 24 juillet. Quel village déjà ? Saint-Araï. À Saint-Araï. Donc voilà, prenez vos places et Barcelone le week-end prochain. Non ? Mercredi prochain. Ok, très bien. Mais je vous remercie de nous avoir suivis. À plus tard. RMM.